talent tout de moins. Alors où que ça tient des règles, c'est où que les mieux moins. Où peut guider moins, où peut tient des lames moins. Où peut mener moins, où ça gagne tient moins. C'est vous, moi qui a trouvé qui plus belle, qu'on étoile en mettant ciel, qui montrez moi chez même moi. C'est vous, qu'on en île en mettant de l'eau, qu'on en prison sans barreau, oh, qui mettez moi plus haut, ou pé guider moi, ou pé tiens vers la main moi, ou pé mener moi, ou ça gagne tiens moi. On n'est pas qu'à j'en me dis pression, laïque a passé, laïque a serré. Bon est ce flèque qui pas qu'à fané, il qu'a parfumé, tout ça y touché. Montrez-moi chez moi, c'est...